On s'en va au tournoi Bantam dans le secteur de Mistassini, parler avec Pierre-Luc Ménard. Salut Pierre-Luc. Salut Danny, ça va? Oui, ça va bien. Pierre-Luc, à 10h10 au moment où on enregistre ce reportage, je sais que j'ai vu passer sur les médias sociaux, les Rapides sont en demi-finale, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, les deux équipes locales sont en demi-finale et vont jouer dans les prochaines minutes. En fait, dans moins de 1 heure pour les Loups. Okay. Ils vont affronter une grosse équipe quand même, les Aigles d'Alma dans le B. C'est une bonne équipe, ça va être vraiment un fort match. Okay. Puis pour ce qui est des Rapides, eux vont affronter National Labbé, qui ont surpris à Mastaillache là, au troisième match. Donc les Rapides ont été capables de passer en demi. C'était vraiment un gros objectif, on était capables. Même chose pour les Loups. Donc les Loups vont avoir une grosse équipe aussi. Là. Donc on est très heureux. Évidemment, on veut toujours que nos équipes locales aillent le plus loin possible dans le tournoi. Les Hurricanes, qui sont vraiment une surprise, ça se trouve être une surprise, c'est une puissance, ça a toujours été une puissance de la Ligue Bantam. Donc, ce qu'on peut dire, c'est une grosse ouais. surprise ce qui s'est passé hier. Mais c'était un match, hein. Il s'agit d'avoir un goaler en pleine forme, en pleine possession de tous ses moyens, puis tout peut basculer, hein. Effectivement. OK. Donc, à surveiller maintenant à part de ça. Dans les autres catégories. Ben, sinon, oui, dans le B présentement, les Patriotes des couleurs de Chicoutimi viennent de vaincre les Nationales de la B dans la première demi-finale du A. Donc, ils s'en vont en finale après-midi. Là, présentement, à l'heure actuelle, là, on est en fin de deuxième, puis Alma, qui ont aussi une puissance dans le A, sont en train de battre facilement les Saint-Ambroise au compte de 6-0. Donc, normalement, va aller en finale contre Chicoutimi. OK. Pas mal de monde, j'imagine. Quand les équipes locaux font bien, il y a toujours pas mal plus de monde. Donc, mais là, aujourd'hui, il y a une tempête. Si on annonce une tempête, ça va peut-être freiner un peu l'ardeur des jeunes. Mais ça devrait quand même être intéressant, pareil, pour du côté assistance. C'est ça? Effectivement. Ben, de toute façon, c'est sûr que... Oui, ben, quand on a une équipe, les deux équipes locales qui s'en vont en demi-finale, c'est encore plus qu'un s'en va en finale. Ça paraît au niveau de l'achalandage. Ben oui. Les gens viennent y encourager localement. Pascal, on rappelle évidemment les gens qui veulent, pas Pascal, mais Pierre-Luc, les gens qui veulent voir les photos, il y a un Facebook de disponible, c'est ça? Oui, page Facebook, tournoi de hockey Bantam de Beaumont-Sassigny. Donc, on essaie de tenir ça à jour le plus possible avec les scores et les joueurs du match. Ouais. Donc, c'est ça. OK. Et on rappelle évidemment, en terminant, on rappelle quelques commanditaires qui rendent possible la 44e édition du tournoi Bantam. Oui, évidemment, notre partenaire majeur, Desjardins. On a Jean Coutu. On a Garmin Impression, IGA, Marché Tremblay avec notre président d'honneur, Steve Tremblay, qu'on remercie énormément. Ben oui. OK. Pascal, Pierre-Luc, on s'en parle demain pour le bilan. Voilà, c'était Pierre-Luc Ménard qui nous parlait du tournoi Bantam qui se déroule dans le secteur de Mistassini.